Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. C'est la portion nouvelles entrées des Palmarès C'est fou pour la semaine du 18 au 24 septembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Et salut Tania. Hey, bon midi. Oui, bon midi. Oui, c'est pas mal ça. Pas mal ça que ça veut dire. Pas mal. Dans notre nouvelle case horaire du lundi au jeudi entre midi et 13h, c'est là qu'on est pour vous accompagner telle une trempette à vos carottes. Exactement. Telle une cuillère à votre soupe. Telle une salade à votre sandwich. Oh, telle un guacamole une à votre croustille. Oh, oui, oui. On pourrait continuer longtemps là-dessus. Ouais. Les analogies sont sans fin. Nanana plein à faire. Nanana plein. Donc, dans cette portion d'émission, ce sera les nouvelles entrées. Il y en a vraiment énormément, beaucoup cette semaine. J'en compte 7 du côté anglophone, dont Faith Healer, Woolworm, The Andy Kaufmans, Raised on TV, Always, Goggle Bordello et Ben Sinister. 8 du côté francophone, Mathieu, dont Zen Bamboo, Corridor, Makala, Maud Audet, Eman et Vlooper. Écoute, ça n'arrête plus. Ça n'arrêtera jamais. En fait, je pense qu'on n'aura pas assez d'une seule portion. Je pense que non. Il va falloir continuer la prochaine fois. Mais bon, commençons par le commencement, c'est-à-dire les 20e places. En anglophone, c'est Ben Sinister avec leur maxi The Other Way EP. La pièce s'appellera Move a Little Slower. Et de l'album Volume 1 Juvénile, c'est Zen Bamboo avec Vladimir. J'aurais aimé que ce soit genre un jeu de mots avec jus vinyle. Ah. Oh, ils ont manqué la chance. C'est terrible. Eh ben, on écoute ça dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Side.

nouvelle entrée. Google Bordello sur l'album Seeking and Finders, numéro 3 en 19e place. Google Bordello, c'est un groupe américain. Je ne savais pas qu'ils étaient américains, en fait. J'avais l'impression qu'ils étaient français avec un nom comme Google Bordello. Mais non, ça vient de New York. J'avoue que... Ouais, hein. Fondé en 1999, ils sont apparemment connus pour l'énergie débordante d'Eugène Hoots, le chanteur moustachu. Des Google Bordello. Oh, le petit chanteur moustachu, on aime ça. Du côté francophone, eh bien, en 19e, on a entendu Coup d'épée de Corridor de l'album Super Mercado. Ah. Je sais pas. Écoute. Mais c'est un band de Montréal, sache-le. Et on a donné des couleurs art rock et jungle pop à leur première production. Et on parle d'un magicien, un voyageur. Et le Corridor, bien, ça maintient la signature. Mais pas de moustachu pour toi. C'est ça, pas de moustachu pour moi, mais une tournée européenne. Ah ben voilà. Pas pire. Ouais. Toi, tu sais, tout le monde s'invente un style de band. Hein. Moi, les Google Bordello, c'était Gypsy Punk. Ah, Gypsy Punk. Gypsy Punk. Avant ça, en 20e place, c'était en anglophone. C'est quel punk voyageait, ça? Ouais, c'était ça. Comme ton autre corridor qui voyage. Hein? Pareil. C'est ça. En 20e place anglophone, c'était Band Sinister avec Move a Little Slower sur l'album The Other Way EP. Les membres sont Daniel Moxon, Dickie Neptune, Matt Rowe et Joseph Blood. Je trouvais ça cool de dire. C'est cool comme Joseph nom, je trouve. Blood. Bref, ils aiment le rock. OK. Ils viennent de Vancouver. Leurs influences, Queen, Pink Floyd, Supertramp, Elton John, Billy Joel et plusieurs autres. Donc, c'est Band Sinister comme dans B-E-N-D, comme dans plier quelque chose. Hein, tordre. C'est, ouais. Bref, Band Sinister. Et en francophone, eh bien, on a entendu Vladimir du band Zen Bamboo de l'album Juvénile. Si on regarde le genre qu'ils se sont donné, c'est les moins divins et les plus humains. C'est le genre musical. On parle de Slim LaRose, Léo Le White, Xavier Twican et K.O. Ils viennent de Saint-Lambert. Ah, Saint-Lambert! Saint-Lambert. Écoute, Saint-Lambert. Ouais, toi... Puis on dit que l'album, c'est la bande sonore officielle des mauvais coups. Ouais, ben Zen Bamboo, on dirait justement un vieil épisode de Batman. C'est Zen Bamboo! C'est vrai, hein? Pouf, pam! Je suis d'accord avec toi. T'as l'air d'à peu près d'une personne qui écoutait ça à son époque, là, dans le temps où tu portais une petite veste de personne âgée en ce moment. Ouais, t'as j'ai froid, eu froid. Hein? Froid. J'ai et en plus, froid. Vous avez manqué deux éternuements qui, je crois, étaient 8.5 sur l'échelle de Richter. Ouais, c'était pas pire comme éternuement. Mm-hmm. Je me suis impressionnée moi-même. Et t'as mis tes petits mouchoirs dans ta manche comme une personne âgée. J'ai mis mes petits mouchoirs dans mes poches comme une... Oui. Maintenant qu'elle a passé le quart de siècle. C'est exact. Je me suis dit, j'ai maintenant le droit. Voilà. Toujours dans les nouvelles entrées. On va être dans les nouvelles entrées pour un bon bout. Donc, il va falloir s'y faire. En anglophone, la 18e place, ce sera Always, mais avec deux V. Donc, Always avec In Undertow sur l'album After Socialites. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Betrayer avec Les Étoiles. Tu vois ça, j'aurais pensé que ça allait être en anglais. Moi aussi, mais non, c'est Les Étoiles. Mais c'est Bétraillé? Ben peut-être. J'ai essayé de voir, puis je te reviens avec ça. C'est des palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Entrée. Slow. Always avec la pièce In Undertow sur l'album Anti Socialite. C'est disponible maintenant et c'est un band de Toronto. Nouvelle entrée en position numéro 18. Du côté francophone, même position numéro 18. C'était Les Étoiles avec Betrayers. Il y a un S. Ouais. J'ai dit Betrayer tantôt. Mauvaise indication. Je suis désolée. Mais en fait, on parle d'un band qui joue de la musique garage beat selon leur genre musical internet. Et ils viennent d'Edmonton en Alberta. Donc deux groupes canadiens ensemble. Oui, deux groupes canadiens ensemble. C'est drôle, j'aurais pensé que si tu venais d'Edmonton, tu voulais chanter en anglais. Ben, peut-être qu'ils chantent en anglais en général, puis cette chanson-là, t'es... Peut-être. Je sais pas, une exception. Mm-hmm. On aura peut-être l'occasion d'entendre d'autres pièces 2 plus tard. C'est ça qui est le fun, qu'une fois que t'embarques dans les palmarès, mm-hmm. ça se pourrait très bien que tu y reviennes. Ouais, on y prend goût. Uh-huh. Hein, c'est comme l'émission, les palmarès, c'est fou, on y prend goût. C'est comme l'heure du dîner. Ben oui, on aime ça. On s'accompagne. Et qu'une chance qu'on est là, hein? Yeah. Et bon. Position numéro 17 maintenant. En anglophone, ce sera Raised on TV. C'est un album indépendant là, qui est très, très difficile à trouver sur Internet. Ils sont sur iTunes quand même. Leur album s'appelle Season 1 et la pièce sera Shower, Work, Repeat. Ah, ça ressemble à notre vie. Ben oui. Et du côté francophone, eh bien, ça va être la 17e avec Piscine privée de Makala. On écoute ça tout de suite dans Les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Je vais se mettre dedans. Oui, c'est ça. Si je mentais, ça serait dans ma manière de... Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. You'd come around, and when I'm dreaming, I hear the sound of your footsteps stomping the ground, and my heartbeat racing when you're near. Was lost, now I'm found. And when I'm floating above the ground, I can see it all over town. Come out, 'cause I'm a tongue-tied, twisted up fool. What's your story about? Ellie Kaufman avec Inked Heart en position numéro 16 sur l'album Maggie. Et Tania, c'est vraiment intéressant, des Ellie Kaufman. C'est en fait deux papas. Deux papas? Okay, dans une petite chambre, une petite pièce, okay, avec des jouets genre musicaux. Leur défi était de ne pas prendre plus de 30 minutes pour écrire une chanson et pas plus de 3 heures pour l'enregistrer. Oh, et ça a donné cool, ça, c'est super bon. C'est vraiment très bon. C'est de l'ad pop rock avec les membres Brian et Jonathan qui viennent de Ottawa en Ontario, donc The Andy Kaufmans. Du côté francophone, eh bien, on a eu un retour dans notre palmarès. C'est Maudet! Maudet! Hashtag Maudet. Oui, Maud Audet qui est à la 16e place francophone avec Galloway Road. Mm-hmm. Avant, c'est excellent. Oui, absolument. Avant ça, malheureusement, on a dû sauter par-dessus Raised on TV. Le CD ne fonctionne pas et leur pièce n'est pas sur Internet. Donc, on la réécoutera, on l'écoutera une première fois, si tout va bien, dans notre prochaine portion. On se croise les doigts. Leur pièce s'appelle Shower Work Repeat. Et avant ça, on a entendu la 17e position francophone. Eh bien, oui, c'était Makala avec Piscine Privée. J'ai essayé de voir Makala. Il arrivait d'où? Il faisait quoi? Ça mange quoi en hiver? Il y a des bandes obscures en vie. Puis, ouais, c'est ça, c'est pas mal obscur, moi, de dire. On est dans une radio campus, c'est comme ça que ça fonctionne des fois, malheureusement. Les bandes sont pas super proactifs dans la... C'est parce qu'en fait, le mot Makala, c'est comme... Il y a plein de gens, il y a plein d'affaires qui s'appellent Makala, fait que c'est très difficile de trouver la musique. Que voulez-vous, hein? C'est un instrument aussi, tu sais, c'est comme... Hein? C'est ça. OK. Donc, voilà pour les positions numéro 16. Il nous reste encore vraiment beaucoup de nouvelles entrées. Il en reste 2 en anglo ainsi que 4 en franco. Incroyable. Donc, du côté anglophone, la 15e place, ce sera Woolworm avec Deserve to Die, la pièce titre de leur plus récent album. Et du côté francophone, c'est Mon Doux Seigneur avec Ici-Bas. Ah oui, le retour. 2e pièce de Mon Doux Seigneur. C'est les Palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Du monde, c'est pas une question que je te pose. façon de se rendre. 15. Nouvelle entrée. We'll be right back. deserve to die. Oh, ça fait vraiment dark, ça. Un verre de laine. Pour ce numéro 15, mais entrée, l'album s'appelle aussi Deserve to Die. Et du côté francophone, eh bien, c'était Ici-bas. Avec de Mon Doux Seigneur, de leur album tout aussi original, Mon Doux Seigneur. Louis-José Mon Doux Seigneur. C'est exactement ça. C'est exact. Donc, Woolworm, je suis en train d'aller voir un petit peu, là, parce que Colin, j'avais pas pensé de le faire avant. On va être honnête, transparence, hein, complètement. On écoutait un show, là. C'est ça, on écoutait du Rosalie Vert encore. C'est un groupe de Vancouver, c'est du faux métal, disent-ils. Ah! Ouais, et sinon du blanket rock, donc du rock de couverture. Du rock de couverture. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Woolworm.ca. Sinon sur Facebook, WLWRM. Donc c'est Woolworm sans les O. On se comprend? Oui. Il nous reste encore énormément de nouvelles entrées. Donc continuons dans le même sens, hein, avec les positions numéro 14 en anglophone. Ce sera Faith Healer avec la pièce And Waiting sur leur album Try, -trait d'union et parenthèse, comme dans le petit bonhomme qui fait. Comme Rosie Vaillancourt fait dans ses shows. Ok, oui. Et puis, du côté francophone, mais on va voyager un petit peu. On s'en va à la plage. Ah, oui. Des Man Eve Looper de l'album La Joie. Bah, ben, c'est fou. Au 89.5. Je parle juste de loup, je parle juste de mêlée. J'ai l'impression que je suis le déclin de mon sommeil. Que je te regarde quand je pense à paix. Putain! On va dire dans mon avis, juste un sujet. Comment je t'ouvre ton wallet? Tes amis sont juste barrés. Si tu veux que tu m'aimes un jour, c'est qu'ils sont passés depuis une monnaie. Comment je t'ouvre ton wallet? Fille, on parle d'un toilet. Qui colle dans le col quand tu payes des dates, tu lâches la palette. Le monde sont tellement frileux ici. J'ai l'impression que tout ce qui nous vaut l'enterre ici. Ce réflexe humain normal ici. Quand je pense à le bas, je trouve qu'on est bien mieux ici. Des chaînes dans le fond d'une piscine. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je m'entoure de mes frappes et de ma famille. Je pas capable d'une fois de vous autres. Fait je suis là dans le meilleur pied d'empire. Comme un seul homme face à le funny shit. Y'a personne de meilleur, y'a personne de pire. The future's now. Je vois dans le fond des yeux des kids. C'est moi. Who got the keys pour mes brothers? Like them, prêt à perdre leur vie pour des dollars. Calme-moi pas quand tu marches avec ton lama. J'veux pas être dans les bases de photos dans le cover. Un poète qui te rap ses phrases up on the record. T'as pas être genre Fredon Pris ou Ben Mandela. J'ai fait ça pour les young kids, c'est des vieux enfants. Le monde sont tellement frileux ici. J'ai l'impression que ce qui nous vaut l'enterre ici. Ce réflexe humain normal ici. Quand je pense à la bas, je trouve qu'on est bien mieux ici. Yeah, y'a personne d'aussi fraîche que moi ici. Mat sur le bled, j'ai un docteur en soi. J'ai un bac dans le street, pis une maîtresse en crosse dans le zoo. J'ai pas bien me croire faire d'envie. À l'école c'est plate, fait que j'ai commencé à se sans donner pour son et quelque chose d'autre qu'une bête dans un enclos, un mouton. Yeah. Get no bad, flip cup, ben get no bad, c'est good. Dans dans ce flush, j'en prends une gueule, get down, broke mon berno. Combien t'as le touche, gros père, moi j'parle aller-retour. T'en fais pas, j'ai contre le spin, gros comme clash, mais t'apprends c'est ton gros man. Yo. Get no bad, flip cup. We ain't get no buzz, get it good. Get my mama. Dial down, splash, champagne, good. Get my mama. Get down, broke, mon père, no. Get my mama. Le premier jour des calas tellement froid et c'est impossible de refaire. Get my mama. J'ai toujours semi-passé sans avoir fait mes devoirs. J'ai vu la fin, ce monde dans le fond d'un backfire. Crackers, moi, Saint-Charles. J'ai tellement souvent vu la fin de mon que ça fait. À chaque rayon soleil qui perce, moi, j'ai comprendre. Y'a personne d'aussi fraîche que moi. C'est un mat sur le bleu. J'ai un docteur en soi. J'ai un mec dans le slip. Pis une mêlée sans cœur. C'est dans le zoo. C'est tout séparé. J'ai pas bien de quoi faire. De l'impression de quelque chose d'autre qu'une bête dans un enclos. 14. Nouvelle entrée. Waiting par Faith Healer, formation d'Edmonton. Anciennement, le groupe s'appelait Gigi. Maintenant, c'est Faith Healer. Dans le palmarès anglophone, c'est en position numéro 14. Et du côté francophone, eh bien, on a aussi entendu la 14e place avec La Plage de Eamon & Vlooper. On s'est posé la question ce matin parce qu'on l'a fait jouer en onde et on trouvait que ça sonnait un petit peu comme des gars de Dead O'Bees. Pas mal fort, ouais. Et oui, en fait, c'est pas mal ça. C'est deux gars de Dead O'Bees. Il me semblait aussi que j'avais déjà entendu ces noms-là, Eamon & Vlooper. Il nous reste très peu de temps à l'émission, donc on va se dépêcher pour aller entendre les deux dernières nouvelles entrées. En 12e place, tout à l'heure, il y aura Fria Moera place avec La peur des animaux, mais on commence en 13e place. Oh oui, avec Félix Diotte et Station balnéaire. Tout de suite dans les parleurs, c'est fou. Au 89 FM. Au fond de mes voeux, tu me Free Amoras avec La peur des animaux en position numéro 12 francophone sur l'album du même nom, elle qui est auteure, compositrice, interprète de Québec. Et du côté francophone, encore une fois, en 13e place, c'était Station balnéaire de Félix Diot. En fait, Félix Diot, c'est un grand collaborateur de Pierre Lapointe. Ah ben, quel fait okay, oui. Et en temps normal, il fait beaucoup de duos, donc c'est rare qu'on l'entende lui seul. Mais cool. C'est son nouvel album. Voilà pour les nouvelles entrées. On a passé à travers de tout ça. Il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. On se retrouve pour une autre portion la prochaine fois. Ce sera le top mishmash avec des pièces qu'on n'a pas encore jouées et des chroniques. Ça se passe du lundi au jeudi entre midi et 13h en rappel, en édition week-end les samedis à partir de midi. Et on se quitte là-dessus. Bye, bye. Bye tout le monde.